Bien, comme vous le constatez, on a été interrompu, enfin pas interrompu, la connexion n'était pas bonne. Et là, je serai obligé de... Je serai obligé donc de mettre un terme. Je suis sûr que les maîtres ne veulent pas que je fasse... Les maîtres ne veulent pas que je mette au public cette technique. Veuillez me pardonner, malheureusement. Et c'est pour cela qu'on a été interrompu à la première partie. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est de demander aux concernés de me contacter en privé. Et contactez-moi en privé pour que, ici, je puisse vous donner le rite en question. Le rite de protection totale, enfin, pas de protection, je vous l'ai dit, le rite de renvoi. C'est le rite de renvoi pour les gens qui vous veulent du mal. En fait, c'est ce rite que moi, je m'apprêtais à vous pouvoir vous diffuser. Malheureusement, les maîtres ne veulent pas. Là, c'est ce qui s'est passé. La connexion a été coupée, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas parce que j'ai vérifié tout. J'ai l'Internet illimité. Donc, j'ai les capacités illimitées. Parce que nous avons, y compris mon petit-fils, mon fils, moi-même, nous avons près de 6 téléphones à la maison. Nous avons 4 ordinateurs. Nous avons également la plupart des télés marchent sur Internet. Donc, c'est illimité, mais... Et pourtant, toutes ces télés ne sont pas... Ça ne marche pas. Le petit en bas, il est en train de suivre tranquillement ses cours. Et tous mes autres téléphones sont arrêtés. Bon. Donc, voilà, je... Les maîtres m'ont dit de ne pas diffuser cela. C'est dommage. Ils m'ont demandé de ne pas le montrer au public. Donc, tous ceux qui me suivent, s'il vous plaît, je vous prie de me contacter donc en privé. Vous allez donc me suivre en privé. Vous pouvez tranquillement donc, si vous voulez, avoir accès en privé. Simplement en privé. Et puis voilà, je vais vous donner la technique. La technique de pouvoir... Rendre le mal pour le mal. Ok, ça c'est le rite que j'ai voulu vous démontrer. Mais je vais essayer de tenter, mais si ça ne marche pas, rassurez-vous, les maîtres ne veulent pas. Donc le rite est aussi simple, c'est que je vous disais tantôt, il y a les bougies qu'il faut aligner. Et après ces bougies-là, vous avez la présence des poupées. Bon, je demande donc à notre administratrice, si elle me suit, si elle est disponible, de m'appeler là, s'il te plaît. Appelle-moi pour me rappeler le genre de poupée, parce que je crois que ça a un nom particulièrement, je ne sais pas. Donc, j'aimerais ici que tu puisses m'aider, bon, sauf si elle est en train de me suivre sur le même téléphone, mais je vais l'appeler. Je vais tenter de l'appeler. Ouais, ouais. Est-ce que tu es branché sur le live, s'il te plaît? Mais oui, mais ça ne marche plus. On t'a coupé ou quoi? Ben oui, mais là, je me suis rebranché. J'ai mis la suite sur les méthodes simples. Tu peux te brancher? Oh, d'accord. Est-ce que tu ne vois pas là? Essaie de chercher. Mais moi, non. Je crois que j'ai pas déjà un problème avec mon net. Attends, je vais encore faire. D'accord. Pourquoi on t'a coupé? Ben, je sais pas, hein. J'essaie d'expliquer au live là tout à l'heure et je crois que c'est un problème de... Je crois que si c'est... Je vais insister pour la deuxième fois. Maintenant, si les génies... si je vais confirmer, si c'est vraiment les génies, donc je ne veux plus montrer. Je ferai comme je te l'ai indiqué. On va le faire en privé. Ouais. Hum? Oui? Oui? C'est ce qui s'est passé, là? Ben oui. Je suis là dedans. Hein? Tu es maintenant dedans, là? D'accord. Attends, je vais écrire. Je suis là. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, soit tu écris ou tu peux me dire là. Rappelle-nous donc, parce que j'ai promis à tout le monde que notre administratrice devait nous donner ici le Je nom. crois qu'on m'entend, on m'entend pas là. Bon, on t'entend, oui. Tu es en direct? Donc, il faut D'accord. donner le nom de la poupée là. Moi, je me rappelle plus, parce qu'il y a plusieurs genres de poupées et ils veulent bien savoir la spécificité de ces poupées que nous utilisons dans la Macumba, s'il te plaît. D'accord, ça s'appelle les Worry Dolls. Guatemala Worry Dolls. Ça prend. C'est des poupées. Je peux mettre la photo, je sais pas si je peux. Mais c'est des poupées pour. I mean, I can say that in English. C'est pour aider des personnes d'enlever leurs problèmes, les soucis. Donc la nuit, quand tu as peur de dormir, tu parles à la poupée. En général, on donne ça aux enfants. Donc, tu parles à la poupée et puis la poupée va prendre tous tes problèmes. Donc, je pense qu'en étant une grande personne, tu fais la même chose. S'il y a quelqu'un qui t'attaque, ben, la poupée représente cette personne. Et tu dis, tu parles tout ce que tu as à parler dans la poupée et puis tu fais ce que tu as à faire en fait. Bon, voilà. Donc, il y a des mâles et femelles. Tout à fait. Donc. Voilà, la femme et l'homme. Ça s'appelle Worry Dolls. OK. The Worry Dolls. Vous avez écouté. Ceux qui sont aux Worry États-Unis. Dolls. Bon, maintenant, moi, je ne sais Yeah. pas. Est-ce que ça existe en France? Ben oui, ça existe. Si il tape Guatemala, donc c'est pour la Macumba en fait. C'est des poupées Ben, tout qu'on à fait. utilise en Amérique latine et tout ça. Voilà. Si on tape Guatemala Worry Dolls, donc en français ce serait poupée d'inquiétude, je sais pas, poupée de. Oui, Attends, oui. je vais regarder. Poupée Attends. d'horreur du Guatemala ou poupée d'inquiétude, quelque chose comme ça. Voilà, poupée. Attends, je vais regarder en français. Donc, je suis sur l'ordinateur, donc je peux regarder. OK. Poupée, je vais dire poupée. Bon, ceux qui sont sur le live là, est-ce que vous me suivez correctement? Parce que je vais OK. m'assurer. Là, je vous suis C'est bon. plutôt sur mon Allô? téléphone. Les Oui? poupées, je vais dire poupées guatémaltèques. Alors, il y a ça, voilà ça, ça s'appelle, c'est les poupées guatémaltèques, mini comme toutes, voilà. Et on en trouve, hein. Je vois ça sur Amazon à 9 dollars, à 25, sur Etsy aussi. Donc, si les gens, ils tapent poupées guatémaltèques, attends, je vais écrire ça. Je suis dans le forum avec toi, là. J'espère que D'accord. mon Donc, nom tu t'est peux bon. balancer ça sur le forum seulement. Oui, Voilà. oui, Merci. Merci beaucoup. Bon. Eh oui. bien, c'est bon. Tu peux balancer. Je vais te couper là parce que je vais continuer l'enseignement. OK? OK, ça marche. Merci Merci, bien. oui. Merci. Merci. Bien. Effectivement, les maîtres ne veulent pas. Ils insistent que je ne dois pas faire passer ça sur live. Donc, contactez-moi en privé. Vous allez me contacter en privé et je vais vous montrer le rite au complet. C'est un rite très, très, très efficace, je vous dis. Si vous souhaitez même la mort à votre ennemi, vous allez le tuer. Vous avez bien suivi le nom des poupées. Les poupées Guatemala, quoi, là. Donc, ces poupées, il y a une méthode. Je ne veux pas que les maîtres viennent couper parce que ça, c'est des secrets. Voilà pourquoi, quand on est initié, nous ne marchons pas avec l'intuition. Nous écoutons les signes des maîtres. Et quand les maîtres font ça, je vais pouvoir. N'est-ce pas, finir sur ce. Donc, ces poupées-là, vous avez écouté, s'il vous plaît. Tous ceux qui ne sont pas encore dans le forum, abonnez-vous. Les noms de poupées vont être diffusés. Et ceux qui me suivent pour la première fois, je répète que la technique en question, c'est une technique qui vous permet de rendre le mal pour le mal. OK? Je répète que beaucoup de gens m'ont dit non, maître, vous êtes trop bon, mais ceci, cela. Moi, il ne m'a pas autorisé de rendre le mal. Mais par contre, j'ai compati à vos douleurs parce que beaucoup d'entre vous sont victimes d'attaques. Comme je l'ai dit tout au début de la première partie de la vidéo là, qui a été interrompue, ici c'est la suite. Où je vous ai dit au début que lorsque vos parents vous ont fait les protections, ces protections, malheureusement, au cours de la programmation de ces protections, ils n'ont pas précisé au génie qui vous protège de procéder également à la méthode martiale. Vous avez suivi mes démonstrations en karaté, parce que chez nous en karaté, on nous dit, il nous est interdit d'attaquer le premier. Mais vous attaquez uniquement quand vous êtes provoqué. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est ça, c'est notre vieux dicton de l'armée gabonaise. Qui s'y frotte, s'y pique. Donc, une fois quelqu'un vous provoque, vous l'observez, et si vous voulez faire du mal, vous rendez le mal. Donc, sinon, vous serez traité de lâche. Nous qui sommes à un niveau de maître, nous avons nos méthodes à nous. Moi, je ne rends pas le mal pour le mal, mais ce sont mes génies qui sont avec moi, qui viennent me dire de ne pas diffuser la technique au public. Moi, j'écoute ce qu'ils me disent. Et quand ils me le disent, je suis. Donc, si vous venez m'attaquer, c'est à eux que vous allez vous en prendre. Maintenant, si vous venez dans le but de me faire du mal, vous êtes venu avec un fusil nocturne bien armé. Moi-même, je sais comment fabriquer les fusils nocturnes. Je suis quand même gabonais. J'ai été initié par un vieux papa, un commis, dans le Fernabaz. Je ne veux pas décliner son identité. Donc, il m'a montré toutes les différentes formes. Il m'a montré près de 25 à 27 méthodes de fusil nocturne. Les fusils nocturnes par les ongles, les fusils nocturnes par la main, les fusils nocturnes sur les fesses de la femme, les fusils nocturnes sur les chaussures, sur les empreintes, les fusils nocturnes même sur votre voiture, les fusils nocturnes par le regard, le fusil nocturne sur votre chapeau que vous portez, le fusil nocturne. Il y a toute une catégorie. Donc, ceci donc, veut dire que je suis armé de ces connaissances. Mais suis-je autorisé de les utiliser pour travailler pour vous? La réponse est non. Mais par contre, la méthode, il m'a autorisé de vous montrer des méthodes que vous-même, vous devez prendre le risque de faire. Donc, je répète que la technique d'attaque en vue de tuer l'autre, parce que je ne blague pas, je suis en train de vous dire la vérité, cette technique de tuer, je fais exprès d'appeler notre administratrice parce que elle a une personne qu'elle connaît et elle m'a confié cette personne et cette personne a un problème grave et c'est à l'issue de notre conversation là que j'étais en train de m'embrouiller pour chercher le mot en français et voilà pourquoi il s'agit bien des poupées que nous utilisons dans la macumba. Hein? Je suis initié dans la macumba brésilienne, donc je n'ai pas besoin de le répéter tous les jours et dans la macumba, ils ont des techniques très très dangereuses. C'est la même technique qu'ils ont utilisée. Souvenez-vous à cet ancien ministre italien-là qui a voulu créer du tort à notre sœur congolaise, mais qui est également ministre dans le gouvernement italien. Donc, vous allez me contacter en privé pour ça et je vais vous montrer le rite simple. Je vais vous le simplifier. Maintenant, je montre seulement le rite. Maintenant, si vous voulez comment ça marche, la méthodologie, je vous montre le rite. C'est à vous de le faire. Maintenant, si vous voulez que moi je vous donne le verbiage et tout, vous voulez que je prenne ce risque, je vais vous charger des frais. Je suis honnête avec vous, parce que je prends des risques. Je vais vous charger des frais. Donc, cela doit être clair. Il ne faut pas venir m'appeler ici là pour me dire, non maître, montrez-moi toute la méthodologie. Vous m'avez suivi durant le live, je vous montre le rite, je vais vous le faire exposer selon votre disposition. Vous allez m'appeler, je peux vous le faire soit... ce n'est pas nécessaire de le faire en vidéo, je le ferai directement, je vous expliquerai le nombre d'éléments qu'il vous faut. Le nombre de poupées vous avez suivi, bon, elle n'a pas dit. Mais je vous informe qu'il faut deux poupées. Il faut une poupée femelle et une poupée mâle. Et la poupée, il faut bien la spécificité de la poupée. Ce n'est pas n'importe quelle poupée que vous devez prendre. Et ensuite, il vous faut des grosses aiguilles de couture. Les aiguilles qu'on utilise pour la couture. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Et il y a d'autres éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne veux pas qu'on vienne encore, mais... Voilà, il y a encore un génie qui vient de me dire que toi, tu es têtu. Donc, voilà, je m'arrête ici sur la protection et sur l'argent et autres. Je ne veux pas rentrer dans le détail également. Ils me disent non, il faut arrêter ça. OK? Qu'ils se contentent du portefeuille que tu leur avais montré, le portefeuille où on met un tissu vert, souvenez-vous. Et sur ce tissu vert, vous écrivez un certain verset biblique et il faut mettre certains éléments, il faut mettre le sel. Et en dehors du sel, il faut ajouter le billet le plus gros en euros. Le billet gros en euros, puisque je l'ai vu moi-même, c'est le billet de 500 euros. Donc, vous mettez un billet de 500 euros dans votre portefeuille avec le sel, avec le tissu vert. Et je vous ai montré les techniques de charge. Allez-y me voir la vidéo sur la méthode d'avoir l'argent ou l'argent facile ou bien compliqué. Donc, je crois que c'est là dans l'une de ces vidéos ou bien il y a une autre, je ne sais plus trop. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Maintenant, pour conclure ceci. Je vais m'adresser à la jeunesse parce qu'il y a des jeunes entre 18 et 20 ans qui m'ont contacté. Et je sais qu'ils sont en train de me suivre. Il ne faut pas rigoler, mon fils. C'est lui qui m'a posé la question. Heureusement, à la fin, il a été honnête avec moi que non, en fait, parce qu'il veut faire des trucs, il veut suivre mes conseils. C'est bien. Au départ, sa question était trop dure parce qu'il est venu carrément dire « Non, maître, moi, j'aimerais que vous me montriez une technique. Comment aller voler et vendre? Comment... » me permet de voler et de vendre des drogues et de m'enrichir et ensuite me donner un collier de protection. Je suis sûr qu'il a dû lire. Vous savez, avec l'Internet, il y a des colliers de protection exactement, cela est vrai. Lesquels colliers de protection vous protègent contre toute attaque des assaillants ou parce qu'il y a certains, et je vous signale, à New York, c'est fréquent, en Californie, c'est fréquent. La plupart des juifs, ils mettent des golems. Je vous ai déjà parlé ce que c'est un golem. C'est une fondation et création purement juive. Les golems, ce sont des grandes entités qui sont, qui habitent des corps matériaux. C'est-à-dire qu'ils habitent, ce qu'on, ils font partie de la famille des génies familiers. Mais la différence, c'est qu'eux, ils sont gros. C'est des statues, mais sauf que ceux-là, ils sont gros. Ils peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de taille. On les charge et ils sont chargés. C'est-à-dire que c'est des robots mystiques. Et ces robots mystiques ont des charges, plutôt sont chargés des missions vraiment compliquées, telles que si vous partez voler dans la maison d'un juif, vous allez voir quelqu'un qui va sortir comme un grand robot et tout. C'est ça qu'on appelle le golem. Et le golem peut vous tuer. Vous pouvez tirer dessus, il ne ressent rien du tout. Donc ces mecs-là maîtrisent ce genre de choses. Donc la personne, le collier de protection en question, là, vous protège de ce genre de dégâts, qu'on protège contre ceci, surtout quand vous vous spécialisez dans le vol, de dérober des banques et tout. Maintenant, il faudrait que les gens comprennent bien que moi, dans mes enseignements, je n'encourage pas les gens d'aller détourner et voler les banques. Je n'encourage pas les jeunes, surtout les jeunes, d'avoir des portefeuilles parce que vous ne savez pas les contrats qui sont derrière tout cela. J'ai fait des témoignages dans mes enseignements que je suis un ancien utilisateur, mais j'étais prévenu parce que quand je les ai utilisés, on m'avait bien averti que après 1 an, il faut les remagnétiser. Donc, il faut faire appel à ces femmes des eaux-là qui vous amènent ces esprits-là. Et après ces 1 an, la troisième année, il faut maintenant faire des sacrifices, et que vous enverrez des moutons sans poil. Les moutons sans poil, dans le temps, c'est un langage pour désigner qu'il vous faut un être humain. Mais aujourd'hui, par exemple, la maison Dolorance, qui est ici aux États-Unis, eux, ils sont clairs. Ils te disent carrément, we need a human blood. We need a human blood from your bloodline. C'est-à-dire qu'on a besoin du sang humain, de ta propre lignée familiale. Ça veut dire que ta mère, ton père, ou ton fils, ou ton frère, ton enfant, toi, il faut sacrifier. Et ça, j'aime bien de Lawrence parce qu'il est très clair dans leur maison. C'est une vieille maison qui existe depuis près de 85 ans. Bref, donc, je ne viens pas ici donner des enseignements pour encourager les gens d'avoir la vie facile. Mon exemple en est un témoignage vivant parce que je vous dis toujours que j'ai deux boulots, n'est-ce pas? Mais comment expliquer que quelqu'un qui a autant de capacités, autant de pouvoir, il a besoin de se tuer, travailler pendant 16 heures ou 14 heures par jour pour avoir l'argent alors qu'il a des facilités. Voilà, les gens posent cette question, n'est-ce pas? Mais qui vous dit que c'est à travers ces deux boulots-là seulement que je règle facilement mes problèmes, que j'ai des facilités à gauche, à droite? Vous ne savez pas. Le portefeuille. Où est mon portefeuille? Voilà mon portefeuille. Voyez-vous? Et ce portefeuille que j'ai, c'est un vrai portefeuille. Mais rassurez-vous, il est toujours bourré d'argent. Il y a plein d'argent ici. Il y en a plein. Il est tout bourré de sous à l'intérieur. Hein? Je ne vais pas exhiber comment dirais-je. Il y a au moins 1000 dollars dans ce portefeuille, en constance. Ça, c'est un secret magique. Ce portefeuille doit toujours garder 1000 dollars. Il y a une raison profonde pour cela. Donc, c'est pour vous dire que je connais également des méthodes. Mais cette méthode-là de garder mes 1000 dollars dans mon portefeuille, ça, c'est une vieille méthode noble qui m'a été diffusée par un rabbin qui maîtrise très bien la cabale. Ça veut dire que je ne serai jamais fauché. Mon compte bancaire, l'argent peut être viré en permanence. C'est là pour aider des urgences. Mes parents, les amis et connaissances, certains d'entre vous qui me suivent, qui ont besoin d'avoir des solutions à leurs problèmes, et je viens en aide. Donc, mais ça, c'est des voies nobles. Et dans mon portefeuille, là, c'est la technique que je vous ai montrée. C'est-à-dire, il y a le tissu vert qui est dedans, il y a le sel qui est dedans, et il y a 1000 dollars qui sont dedans, ou bien 500 euros. Et bien, ça attire toujours l'argent en permanence. Et jamais, à chaque fois que je vais dépenser ça, il y a l'argent qui rentre d'une manière ou d'une autre, sans pourtant nécessairement toucher mon compte bancaire. Donc, ça, c'est des secrets naturels, mais ça demande la patience, ok? Je dois toujours avoir ce deux boulots pour éviter que les gens me disent que non, vraiment, toi, là, le type, là, il est magicien, voilà pourquoi il a beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout. Il y a des grands maîtres, ils font des conférences, ils vendent des livres, mais savez-vous que ces mecs, ils ont toujours de l'argent en permanence? Et savez-vous comment l'argent fait? Vous rentrez dans leur maison, vous verrez des billets de base 5 euros, 500 euros par là, 10 000 dollars par-ci. Mais comment? Ils ne font pas de la fausse monnaie. Les génies. Il y a des capacités que nous pouvons convoquer ce génie, nous amener de l'argent tranquillement. Mais vous, à votre niveau, jeune homme, vous voulez un portefeuille, vous voulez l'argent, vous voulez que moi je vous donne des méthodes pour voler. Bon, je vous signale que le jeune homme a confessé, il a dit non, il a compris mes conseils. Mais ça s'adresse à certains jeunes très têtus. Il y a certains qui s'entêtent, hein. Il y a un là, en Angleterre, il ose me dire, non, mais monsieur Nouvi, mais vraiment, moi, il me faut ce portefeuille magique. J'ai dit, bon, un portefeuille magique qui vous rapporte combien? Parce que je lui donne les différentes catégories. Il y a la valise, il y a le portefeuille. Il me dit, non, lui veut la valise, parce que dans la valise, vous avez 8 millions, je répète, 8 millions de francs CFA par semaine. Ça existe. Vous pouvez vérifier, vous qui doutez là. Ils existent. Il y en a au Nigeria, il y en a au Bénin, il y en a en Inde, il y en a au Pakistan, il y en a également, je crois, du côté de... en Iran, voilà, en Iran. Il y a des maîtres qui font ça. Ils ont cette valise. La valise vous donne 8 millions de francs CFA par jour. Oui, oui, oui. Je dis bien par jour, pas par semaine. Par jour, 8 millions. Vous multipliez 8 millions par 4, ça fait combien? Ça vous donnera combien? 36 millions de francs CFA par mois ou bien 3 milliards 600 millions, je ne sais pas. Calculez vous-même. Mais vous pensez que le jeune homme-là m'insiste. Je dis non, mais cette valise-là, voici. Quelles sont les conditions? Je suis prêt. Je dis ok, voici les conditions. On vous demande de sacrifier 4 cabris sans poil. Soyez clair, maître. Je dis 4 cabris, vous dites, vous devez donner du côté de votre père, vous devez donner 2. C'est-à-dire votre père ou bien votre oncle. Du côté paternel, vous devez donner 2 personnes. C'est important pour créer l'équilibre. Ensuite, du côté de votre mère, vous devez donner 2. Soit votre mère et une tante. Ah oui, oui, je les connais. C'est des sorciers, ces mecs-là. Je vais les sacrifier. J'ai dit, ok, d'accord. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le premier sacrifice initiatif. Initial, autant pour moi. Mais après les 5 ans, c'est fini. Chaque année, il faut tout sacrifier. Et vous aurez des morts bizarres dans votre famille. Vos propres enfants peuvent en être des victimes. Parce que vous n'avez aucun contrôle de ces entités-là qu'on vous a envoyées. Ok? Il me dit, non, je suis prêt à le faire. J'ai dit, ah, mon petit, vous êtes très sûr? Oui, oui, oui, oui, oui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté l'un de mes amis maîtres spirituels, celui qui vit au Pakistan. Je lui ai expliqué. J'ai dit, voilà, voilà, voilà. Son adresse est où? Je lui ai donné l'adresse. Le monsieur dans la nuit a envoyé, je ne sais pas trop qui l'a entité dans l'appartement de ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là a attendu un mois. J'ai tenté l'appeler, il ne me répond pas. J'envoie des messages, il ne me répond pas. C'est après un mois, il me dira, maître, plus jamais, j'ai dit, oh, de quoi s'agit-il? Non, plus jamais, j'entendrai parler de ces choses. Vous êtes venu, je vous ai vu, vous m'avez engueulé, un esprit qui a frappé dans ma maison. J'ai dit, vous êtes sûr? Donc, le maître pakistanais, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque c'est moi qui l'ai introduit, il avait la capacité de se dédoubler en prenant ma forme à moi. Ça existe même chez nous au Gabon. Au Gabon, il y a des gens qui le font. Vous allez accuser votre père que c'est votre père qui vous tue en vampire, qui vous mange en vampire. Entre-temps, des fois, c'est un autre. Mais comme il y a des mecs qui maîtrisent la magie noire, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la forme de votre père parce que votre père est trop sévère. Mais comme votre père est trop sévère, il va prendre la forme de votre père pour vous montrer que celui qui vous fait du mal. Et vous allez dire, ben, c'est, voilà, parce que mon père ne m'aime pas. Mon père ne m'aime pas. À chaque fois, je vais aller, je vais avoir une copine, rien. Je vais faire ceci, rien. Donc, voilà, la vérité, c'est celle-là. Donc, ce mec-là, le professeur pakistanais, il est allé carrément montrer, prendre ma forme et aller rentrer dans la maison de ce jeune Congolais, le secret est sorti. C'est un jeune frère d'origine congolaise, mais qui a la nationalité anglaise, qui vit en Angleterre. Il a juré. J'ai dit, pourquoi vous jurez? Non, maître, vous êtes dangereux, vous êtes vraiment un grand sorcier. J'ai dit, oh, c'est pas vous qui m'avez dit que vous voulez un portefeuille? C'est pas vous qui m'avez dit que vous voulez ceci, cela? Bon, bien sûr, j'étais pas content quand il a dit ça, je pouvais pas nier. J'ai dit, ok, d'accord, d'accord. Mais j'ai compris le système puisque je suis un maître spirituel. Et c'est ainsi que ce jeune aujourd'hui, alors je vous parle, il a arrêté. J'ai appelé, bien sûr, mon ami, le maître pakistanais. J'ai dit, mais toi, comment toi, tu vas aller là-bas? Mais moi, avec mon visage. Il s'est mis à rigoler, il dit, mais alors? Puisqu'il est têtu, il ne veut pas comprendre. Je suis allé d'abord le visiter. Et s'il était prêt, j'étais bien prêt à lui envoyer la valise. Donc, cher jeune, l'aventure mystique, il faut éviter. Suivez mon ami Patrick Gamandong. Il a de ces émissions qu'on appelle l'aventure mystérieuse. Ça pourra peut-être vous aider. J'avais l'habitude de suivre quand j'étais au lycée technique. Mais dans l'aventure mystique, attention et attention. L'argent facile, ce n'est pas bon. Je vous dis moi-même, je suis la preuve, je travaille, j'ai deux boulots. J'ai une belle voiture ou des belles voitures. Je peux m'acheter une Bentley, je ne vous cache pas. Je peux acheter une Bentley ou une Mercedes, toute neuve, cash, je peux payer ça. Avec mon propre argent que je travaille depuis près de 18 ans, 20, 19 ans ici aux États-Unis. Vous comprenez? Je peux le faire. Parce que j'ai de l'épargne, j'ai de l'argent, j'ai des entrées à gauche, à droite. Les gens que je consulte là, ils me payent, ce n'est pas cadeau. Ou bien les gens qui vont me demander la lorite là, s'ils demandent maintenant des détails techniques, que machin, moi je vais leur charger, hein. Ce ne sera pas moins de 700 voire 1000 euros là que je vais vous charger. Parce que là, vous cherchez à aller tuer quelqu'un. C'est la technique de protection que vous voulez. C'est de tuer quelqu'un, les gens qui vous font du mal. Je pense à mon frère qui est, je ne sais pas s'il est en Angleterre ou en France. Ce monsieur, vraiment, j'ai eu des larmes quand j'ai lu son courrier. Mais je lui ai répondu, et je crois qu'il doit me suivre. J'ai répondu à son courrier hier. Est-ce que je peux retrouver son courrier? Where is my phone? What is it? What's the hell? Oh, j'oublie que c'est dans ce téléphone-là. Ah, les choses de mon corps. Bon, c'est pas grave. Je peux le retrouver ici. Je veux voir. Le frère me suit, mais je ne vais pas donner le nom, bien sûr. Je garde son anonymat. Mais je retiens ce qu'il a dit. C'était un long courrier. Voilà ce que le frère m'expliquera. Ce frère, c'était quelqu'un de très gentil. Il est très gentil, trop bon, trop couillon comme nous autres là. Si je fus comme ça il y a quelques années, avant que je ne devienne maintenant dur en utilisant mes méthodes là. Là où je suis ici au Gabon, les gens qui ont osé parler mal de moi, il y a deux qui sont morts. Bon, l'autre c'est quelqu'un qui n'est pas de ma famille, mais une autre personne c'est de ma famille, du côté de ma mère. J'ai utilisé la méthodologie là, de la poupée là, avec le rituel complet. Donc, j'ai déjà essayé ça. Je ne peux pas partager avec vous quelque chose que je n'ai pas moi-même expérimenté. Bref, le frère donc m'a dit ceci, que non, on lui a fait du mal. Je rentre droit dans le but. On lui a fait du mal comment? On l'a paralysé, il a été victime des attaques et tout, et il est allé se faire consulter. C'est quelqu'un qui a tout fait dans sa vie. Il a aidé la famille, il aide les amis, il a tout fait. Et finalement, il va me déclarer que il est allé se faire consulter et en se consultant, on lui a dit qu'il a 7 démons. Donc, il y a 7 esprits qui possèdent ce frère-là. Alors, je vous parle. Il doit me suivre, il est là. Maintenant, de tous ces 7 démons-là qui le possèdent, selon les consultations des frères de gauche à droite, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Parce qu'il est allé voir les marabouts, il est allé voir tous les grands charlatans à gauche à droite. Malheureusement, ces mecs-là l'ont escroqué. Bien sûr. La plupart, ce sont des marchands d'illusions. Ce sont des mercenaires de l'occultisme. Je les respecte beaucoup, mes frères. Au Bénin, il y a des vrais maîtres. Au Nigeria, il y a des vrais maîtres. Même en France, que vous voyez là, je connais des femmes très puissantes. Il y a une femme qu'on appelait Madame Carrel. Cette dame-là, elle a laissé l'un de ses neveux, mais je ne vais pas vous donner l'adresse. C'est elle qui m'avait donné le portefeuille lorsque je n'avais pas respecté la loi. La maison s'est retrouvée brûlée. La chambre où je dormais, tout complètement incendiée. Vous avez ces témoignages dans l'une de mes vidéos. Donc, même en France, il y a des gens très puissants. On ne blague pas avec ces mecs-là. Mais malheureusement, le frère s'est fait rouler et tout. Donc, alors, je vous parle, il est paralysé. Il est complètement calboigné. Il n'a même plus de fonds. Il m'a expliqué son problème. À ce frère, je lui ai répondu personnellement. Mais je ne veux pas revenir sur ce que je lui ai dit. Je garde l'anonymat. J'espère qu'il a compris ce que je lui ai dit. Il y a des cas comme ça partout et ailleurs. Voyez-vous? Alors, ce genre de rite que je viens partager ici, c'est pour ce genre de cas-là. Les gens qui lui ont fait le mal. Mais est-ce que ça va chasser les démons qu'on lui a balancés? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce rite-là que je veux vous partager en privé, il marche. OK? Et le rite de l'argent, bon, appliquez ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo. Donc, les jeunes là qui veulent s'enrichir vite, il y a des voies et moyens que vous pouvez vous enrichir. Oui, après le jeune s'est rectifié en me disant, bon, moi, papa, normalement, bon, ah non, non, non, j'ai compris, au moins je ne veux pas signer des contrats avec les démons. Parce que ces démons, ces mecs-là ne vont pas vous dire la vérité. Ils vont vous mentir comme l'audio que vous avez suivi dans l'un de mes enseignements. Ils vont vous dire, non, nous, on va faire les sacrifices ici dans notre couvent. On va sacrifier la vache. On va faire ceci. C'est des conneries. Vous êtes ici, aux États-Unis. Vous êtes en France. Le mec, est-ce que vous êtes sûr qu'il demande non, il faut envoyer 1 million pour qu'on sacrifie 2 cabris, pour qu'on sacrifie 2 vaches. Est-ce que vous êtes là pour vérifier? Voilà pourquoi je vous ai dit, le véritable pouvoir, ça je m'adresse à son frère qui est paralysé avec les 7 démons. J'aurais souhaité que moi, j'étais au Gabon, mon frère, parce qu'il a demandé que je vienne par voie bilocatoire, c'est-à-dire, il a souhaité que je me dédouble, et j'en parle sous le baobab. C'est la troisième méthode de dédoublement, là. On appelle le dédoublement bilocatoire par, on appelle ça par dédoublement conscient ou en téléportation. Il a suivi cette vidéo. Et si je venais donner un avis, je vais donner un avertissement également. J'ai eu des expériences en 2019, deux personnes qui ont tenté de demander ce genre d'expérience, mais ces personnes m'ont déçu. L'autre, elle se reconnaît, c'est une femme, elle est encore membre avec nous ici. Et l'autre, c'est un jeune homme, je ne sais plus s'il nous fréquente encore, il vit en Angleterre. La magie, on ne blague pas avec. Les jeunes, vous aimez vivre du sensationnel. Le monde, quand on est un maître spirituel, les vrais maîtres normalement ne se font pas voir. Voilà pourquoi je vous ai dit que d'ici, il peut la profiter. D'ici là, je vais disparaître. Qui m'avait connu il y a 3 ans? Entre-temps, de 1974 jusqu'en 2000, jusqu'en 1999, quand j'étais au Gabon, il y a des gens qui soupçonnaient, certes, mais beaucoup ne savaient pas. Mais officiellement, je suis sorti de l'ombre dès 2005, ici aux États-Unis. Et les Gabonais ont commencé à me connaître seulement à cause des histoires des élections politiques là, des Ping et puis Ali Bongo. C'est là où les gens ont commencé à me connaître, n'est-ce pas? Mais en réalité, personne ne savait qui je suis. Certains soupçonnaient quand je priais pour eux. Et ils se reconnaissent. Même au sein de la diaspora, il y a des gens à qui je fais des prières. Ils transpiraient, ils ont eu non, ils ont dit c'est pas possible. Quel est ce pouvoir que ce mec a? Et c'est comme ça que je me suis dit, donc il est grand temps. Donc, de partager ce que j'ai. Ce que j'ai retenu de beau parmi les 20 initiations que j'ai reçues. Jeunes gens, et même les vieux, vous qui cherchez la richesse précipitée, si vous êtes dans cet état, mon frère, ma sœur, je peux vous dire que la loi du karma existe. Inconsciemment, vous avez dû faire du mal aux gens. Soit vous payez le prix que vous avez créé aux autres. Rassurez-vous, le karma marche. C'est-à-dire que le karma ne blague pas. Vous avez fait du mal aux gens, vous allez toujours payer le prix. Vous faites du bien, vous allez payer le prix. Mais les génies, les dieux ne nous autorisent pas à faire du mal en premier. Mais quand quelqu'un veut nous faire du mal, vous pouvez lui rendre le mal. Ça existe. OK? Mais moi, à mon niveau, quand vous allez me demander des travaux, non, maître, j'aimerais que vous me fassiez ceci pour tuer quelqu'un qui m'a fait du mal. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à me demander à en finir avec un chef de l'État d'un pays africain. Ça, c'est dans le monde politique là-bas. Oh, monsieur, vous avez tous les pouvoirs que vous avez. Vous n'êtes qu'un faux charlatan. Vous devez nous en débarrasser d'Ali Bongo Ondimba. À eux, j'ai répondu ceci. C'est bien beau de me mettre à l'épreuve. Continuez à m'appeler charlatan ou faux type. Mais certains d'entre vous, vous m'appelez en privé. Je vous rends des services. Je vous donne mon argent. Je vous consulte. Et vous savez que je dis des vérités. Et vous ne connaissez rien à propos de monsieur Ali Bongo Ondimba. Vous ne savez même pas s'il vit ou il est mort. Bon, on ne parle pas politique ici. Bref, je lui ai dit ceci. Mon rôle n'est pas de faire du mal. Vous ne pouvez pas moi me demander d'aller tuer Ali Bongo Ondimba. Si je le tue, est-ce que c'est vous qui allez porter le karma? Parce que c'est ça. Je connais l'homme africain. Il demande quelque chose après. Oh, c'était lui. Oui, c'est lui. Je connais l'homme africain. Donc, il y a des demandes. Parfois, il faut vous gêner. Il faut vous gêner. Si vous pensez que c'est en tuant quelqu'un que ça va changer. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit du père, M. Albert Bena Bongo, que Dieu est son âme. M. Omar Bongo, voulais-je dire. On avait dit oui, il faut le tuer. Il y a même des gens qui ont rêvé, allez tenter de le tuer. Ils sont allés au palais, ils se sont fait prendre. D'autres, ils ont tenté. Donc, c'est pour vous dire, chers frères, et je vous informe que le vieux Albert, je parlerai de lui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une image négative, mais ici, en tant qu'initié, nous reconnaissons quand même les vrais maîtres. Monsieur Albert Bena Bongo, c'était un grand maître mystique. Il pratiquait le même rite que pratiquait également le grand roi Makoko. Voilà pourquoi à chaque fois, à la date d'anniversaire du roi Makoko, M. Albert Bena Bongo, et même Omar Bongo, de son vivant, devenu Omar, il partait toujours se courber devant, poser une gerbe de fleurs devant la tombe du roi Makoko. Il y avait une raison profonde. Et n'oubliez pas que le roi Makoko était également Teke. N'oubliez pas qu'Albert Bena Bongo était également Teke. Bref, je m'arrête ici. Je peux vous dire que les véritables maîtres, certes, il y a certains qui font le mal, mais d'autres ne font pas le mal. Okay? D'autres préfèrent marcher avec la loi karmique ou bien la loi des talions. Tu me fais le mal, eh bien, moi je te rends le mal. Soit ce sont les génies qui vont se charger, soit moi-même, je vais rentrer avec la technique que je vais vous déballer au téléphone. Ok? Que Tete Mongali Banga Banga vous bénisse. Donc, chers jeunes gens, s'il vous plaît, à Nyanimpio, nous avons un village là-bas chez nos amis au Rungu qui s'appelle Anyanimpio. Ça veut dire ne mange pas avec le feu, ne mange pas la nourriture qui chauffe beaucoup. Tu vas te brûler la langue. Ça veut dire littéralement, ça veut dire littéralement, enfin je viens de donner l'explication littérale, mais ça veut dire, spirituellement parlant, ça veut dire qu'il faut éviter de se précipiter dans la vie. Parce que quand vous précipitez, quand vous êtes trop pressé, vous finissez par vous buter et vous faire du mal. Et ce n'est pas nécessaire pour vous. La vie est belle devant vos jeunes gens. Vous avez les gens, même à mon âge, si je démissionne de là où je suis, j'ai déjà tracé un plan. Tant qu'il y a l'espoir, tant que vous vivez, tant que le souffle de Tete Mwanga est en vous, vous pouvez toujours faire quelque chose dans votre vie. Il n'est jamais trop tard. J'ai toujours partagé le témoignage de ce monsieur jamaïcain. À l'âge de 87 ans, il a eu son bachelor. À l'âge de 78 ans, après sa retraite, longtemps, il a pu avoir son GED, c'est-à-dire l'équivalent du bac. Avec son GED, il est rentré à l'université. Et à l'âge de 87 ans, il a eu son bachelor et préparant son master. Aujourd'hui, ce monsieur doit avoir 96 ans. Il est toujours sur pied. Il veut préparer son PhD, donc le doctorat des doctorats. Vous vous rendez compte? Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je vous encourage à vous focaliser sur ce qui est bon. Vous avez des potentialités en vous. Vous avez des qualités, vous avez des dons. Jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes femmes et aux jeunes hommes. Jeunes femmes, ce n'est pas à la sueur de vos fesses que vous allez réussir. Mais c'est à la sueur de votre front. Et surtout quand on parle du front, devant le front, vous voyez, ça c'est le front, n'est-ce pas? Mais derrière le front, il y a quelque chose qu'on appelle le brain, c'est-à-dire votre cerveau. Donc, faites travailler votre cerveau. Et quand on parle de travailler le cerveau, ça veut dire quoi? C'est votre imagination. Et quand on parle de l'imagination, ça veut dire quoi? La créativité. La créativité veut dire quoi? C'est là où vous transpirez à la sueur de votre front, pas à la sueur des fesses. La sueur des fesses, c'est très risquant. Et surtout à l'ère du sida, à l'ère des corona, machin, la fièvre de la bière corona, ou je ne sais pas trop moi, le virus, tout cela. Vous allez risquer votre vie. Par contre, si vous travaillez à la sueur de votre front, soit littéralement aller travailler dur, comme je vois des gens ici aux États-Unis, ou bien utilisez votre imagination, utilisez votre mental. Voyez-vous? Et votre mental, quand l'imagination, la machine de l'imagination se met en marche, c'est quoi? Je veux faire des affaires. Mais qu'est-ce que je dois faire pour faire ces affaires? Je dois frapper à une porte. Et si je frappe à cette porte, je sais que ça va marcher. La personne va m'aider. Et vous mettez en exécution votre plan. Je vais commencer par un bar. Je commence par un bar. Parce que je vous parle d'histoire d'un monsieur qui s'appelait Papa Jean au Gabon, qui était le copain de ma mère quand papa et maman étaient séparés. Un monsieur Bamileke, Papa Jean, je me rappelle, il a commencé à vendre deux tarots. Il partait là-bas en Ndougou chez mes parents maternels. Et en commençant avec les deux tarots, il se retrouvait avec un bar où il vendait son poulet braisé. Et après le bar, il a fini par avoir un hôtel. Et pendant ces temps, au Cameroun, à Douala, le monsieur se retrouvait avec près de 5 hôtels avant de mourir. Et aujourd'hui, ces enfants que je connais, qui sont mes demi-frères, prospèrent. Voyez-vous, il n'a pas eu besoin d'aller voir un bangando. Il n'a pas eu besoin d'aller voir le rite de crâne, Bameleke, même si je crois qu'il connaissait ça. Non, il n'était pas allé voir. C'est même lui qui m'avait parlé du professeur Nze. Il y avait un grand professeur au niveau de Douala, professeur magicien camerounais, qui s'appelait professeur Nze. Ah, le type là vous donnait même les portefeuilles magiques. Il vous donnait tous les pouvoirs. Mais papa Jean me dira non. Mon fils, ça, ce n'est pas nécessaire. Bref, c'est pour vous dire que tout part du brain. Transpirez à la sueur de votre front. Mesdemoiselles et messieurs, jeunes hommes et jeunes femmes, retenez cela. Transpirez à la sueur de votre front. Mon rôle est de venir vous passer des connaissances ésotériques et spirituelles pour vous aider à vous harmoniser, à retrouver vos racines et de vous connecter avec votre tradition. Et dans les traditions, on va vous donner des conseils pratiques que vous pouvez manipuler, ce qu'on appelle des fétiches. Les fétiches, c'est quoi? C'est des voies et moyens, en un mot, des astuces. Lesquelles astuces vont vous aider à pouvoir résoudre les problèmes facilement de la vie? Avant d'aller à un bureau, vous voulez demander un emploi, il y a des feuilles, vous frottez ça à la main ou bien vous mettez sous votre langue. Quand m'a demandé au Sénégal, est-ce que vous pouvez m'envoyer la feuille là? Mon frère du Sénégal, la feuille là, elle est verte. Elle doit être verte quand vous l'absorbez sous votre langue. Mais maintenant, moi, si je commande ça au Gabon, le temps que ça arrive ici aux États-Unis, elle va être déjà séchée. La feuille, on la prend de l'arbre. Et dès que vous la prenez, vous la mettez, vous parlez. Et quand vous partez même au tribunal, votre case va être complètement calboigné. Et puis, c'est fini. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu porter ce soir. Sur l'affaire de l'argent, je vous ai déjà donné des méthodes, si vous voulez vraiment, même avec seulement 5 euros. Je vous donne l'exemple d'un jeune Togolais, il n'a que 23 ans, c'est l'homme le plus riche du Togo après le président Yadema. J'ai oublié son nom, mais je vous posterai cela sur le Baobab. La richesse qu'il a aujourd'hui est de 7 milliards, 53 millions. Je répète, 7 milliards, 53 millions. Il n'a que 23 ans. Après son bac, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a travaillé dur, dur, ça n'a pas marché. Il a épargné son argent. Il a pris une affaire peut-être de 5 000 francs ou 10 000 francs CFA seulement. Et il a mis ça dans ce que je vous ai toujours conseillé de faire, vous qui êtes là-bas en France. Ça existe. Les achats des stocks, les achats des actions. Donc ce jeune-là a acheté les actions. Et à l'issue de ça, le marché était bien et stable. Quand il a acheté ses actions se sont multipliées. Et ensuite, il a créé, comme il est bon en informatique, il s'est entendu avec les jeunes informaticiens de son âge. Ce jeune n'a que 23 ans, s'il vous plaît. Ça existe. Il vit au Togo. Il a aujourd'hui une richesse de 7 milliards 51 millions. Il n'a que 23 ans. Et son rêve a commencé, il avait 19 ans après le bac. Je ne sais pas, après 18 ou 19 ans. Il avait déjà des idées. Il a transpiré à la sueur de son front. Transpirer à la sueur du front veut dire pas nécessairement travailler dur à l'esclavage des Blancs. Parce que c'est le même esclavage qu'il connaît, travailler pour quelqu'un. Soyez comme les Juifs ou les Arabes. Ils sont indépendants. Ils travaillent à la sueur de leur front en mettant en activité leur messagerie interne. Laquelle messagerie interne est un moyen de communication avec Tete Mwanga, Dibanga Banga, l'être suprême. Sous couvert de votre carte magnétique, la carte magnétique est le relais entre votre subconscient individuel et le subconscient universel. Tete Mwanga agit magiquement et puissamment pour vous permettre d'avoir ce que vous désirez. Voilà ce que je vous conseille, chers frères et sœurs. Voilà, c'est ça les secrets de la vie. Voilà ce jeune Togolais. Je vais vous balancer ça sur le Baobab, hein. J'ai ces informations. 23 ans seulement. À 23 ans, il est milliardaire. Il a payé, il a fait ce qu'on appelle les achats des stocks ici aux États-Unis. Moi, je ne vous cache rien, je le fais depuis 2005. J'ai acheté des actions dans la compagnie qu'on a fait Sirius Radio. The Sirius Radio, ceux qui sont aux États-Unis connaissent ce que c'est Sirius Radio. À l'époque, Sirius Radio, c'était seulement 55 cents. 55 cents I bought the shares of Sirius Radio. And today, you can check out, it's about $13. Donc, il y a eu une augmentation de près de 200% par rapport à 5 000 $ que j'avais mis. Je ferme les yeux seulement, faites les calculs. Quand vous investissez 5 000 $ pour acheter l'action à 55 centimes, et aujourd'hui, ces actions se vendent maintenant à $13. Là, je vous passe maintenant des Sirius Radio. Je ne vous parlais pas de Huntington Bank. Huntington Bank, qui est l'une des grandes banques financières de l'État où je suis. Je ne vous parlerai pas encore de, comment on appelle, de Netflix. Aujourd'hui, Netflix, les actions sont autour de $167. Et à l'époque, j'achetais ça. Ça coûtait combien? Ça coûtait seulement $14.50. Et j'avais mis combien? $2 000. Allez-y, faites les calculs. Je ne veux pas dire que je suis riche, mais si j'ouvre ça, je vous montre. Vous allez dire, mais cet homme-là, il est trop humble, il fait encore quoi pour travailler du boulot? Donc, l'argent n'aime pas le bruit. C'est pour vous dire, vous jeunes hommes, là, vos parents vous envoient de l'argent du pays, vous qui êtes étudiant en France. Ils vous envoient peut-être 50 000 francs CFA. Avec les 50 000 francs CFA, savez-vous qu'en France, l'ANEF ou même Orange, la compagnie Orange qui fait les téléphones là, moi, j'ai découvert, j'étais en France là, j'ai étudié ça, Orange là. Je suis rentré Orange. Donc, Orange aussi a des actions qu'ils vendent. Et c'est Orange, tout le monde aura toujours besoin d'un téléphone, tout le monde aura toujours besoin d'une carte SIM que vous mettez dans votre téléphone. Il y aura toujours quelqu'un pour appeler l'Afrique, oh, ça va pas ici, oh, maman, viens. Il y aura toujours quelqu'un. Maintenant, c'est grand temps pour vous de profiter de cela. Et ensuite, je vous informe que actuellement le marché a une crise à cause des histoires de fièvre de corona. Et le type américain là aussi a tout calboigné sur le marché américain. C'est le grand moment d'acheter. Je regrette parce qu'il y avait des actions que j'ai mis dans le cannabis là-bas. À cause de l'impact de la crise, j'ai perdu près de $2 700. Et quand j'ai senti la chute, j'ai vite pris cet argent et je suis allé mettre ça, finalement, dans les stations d'essence du Texas. Pourquoi? Parce que les prix du pétrole ont chuté et j'ai profité donc d'acheter quand ça chute. Donc, dans le marché des actions internationales, acheter quand la crise frappe, acheter quand les prix des biens immobiliers chutent, quand c'est en bas. Ça, c'est des choses que vous devez suivre des petits séminaires. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser de l'argent. Allez-y. Vous avez, vous, les jeunes qui maîtrisez les ordinateurs, là. La CEMAC. La CEMAC existe. Il y a les actions qui le vendent là-bas, la CEMAC. Hein? Le Koumé du Gabon. Malheureusement, bon, là, je ne peux pas en vouloir mes frères gabonais. Est-ce que vous savez que le Koumé est prisé sur le marché mondial? Hein? On appelle ça le Timberlog. The Timberlog in the international market brings a lot of billions of dollars. Wake up, my people. Africa, wake up, please. Et je suis ici aux États-Unis et j'ai déjà mis des actions dans le Koumé. Et les gens ne savent pas. Hein? Vous êtes en train de vous battre. Il a volé Ekeba Zongé, ceci, cela. Mais entre-temps, le même Ekeba Zongé, là, il est prisé sur le grand marché international. À travers la CEMAC. Voyez-vous? Donc, frères et sœurs, c'était les conseils et les conclusions que je voulais vous donner pour vous dire que ça a été un peu trop long, pardonnez-moi. Profitez-en pendant que je suis encore vivant et évitez la vie trop facile. C'est mon rôle, voilà pourquoi je suis ici. Je suis en même temps, je vous fais du coaching, je vous donne des conseils, je vous donne même mes enseignements spirituels et mysticaux. Mais aujourd'hui, ça a été beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, hein, un live beaucoup plus informel, beaucoup plus sur de l'information, comment vous aider. Parce que l'histoire de la protection, là, vraiment, ça me préoccupe. Les gens me demandent trop de balancer le mal pour le mal. Alors, à partir d'aujourd'hui, pour le faire vous-même. Quand je dis appelez-moi, ne m'appelez pas à 1h du matin. Regardez bien vos montres. Oui, chez moi, il est quelle heure? Mm-hmm. Chez moi, il est 18h30. OK. Ça veut dire chez vous, il est 23h30 en France. Chez vous, il est 23h30. OK. Bon, je suis éveillé là. Je suis encore éveillé jusqu'à 20h. Probablement, je serai un peu éveillé jusqu'à 20h. Parce que dès 21h, je vais faire mes méditations. Donc, pour ceux qui veulent m'appeler, vous pouvez m'appeler à 20h. À 20h, pas au-delà de 21h. Donc, que Tétan Mwanga vous bénisse. Et pour ceux qui viennent de rentrer, je constate que beaucoup de gens sont en train de rentrer en retard. Vous allez recevoir la vidéo, partager à qui de droit. Et que d'ici là, portez-vous tous bien. Et sachez que les conseils que je vous donne sont des conseils qui vous servent pour votre bien. Voilà, quelqu'un m'a donné un conseil que c'est le moment aussi avec la crise sanitaire. Oui, oui. La crise sanitaire est en train de bousculer. Hein. Les marchés sont tombés là. Donc profitez d'acheter des actions, mes enfants. Vous qui êtes étudiants là, profitez-en. Hmm? Les actions, ça ne coûte pas. It's okay. Well, we already shut down because this is the second part of it. You see what I'm saying? We started with the other one, but the masters, the invisible masters, they didn't want me to show the practical rite or ritual how to tackle and kill your enemy. Yes, I mean it, to kill your enemy. But you will watch the video. Unfortunately, I was not allowed to share the rite here, the ritual in a crowd, in a public. I recommended that you guys, you should call me. You call me in a private, you got my number. So when you call me, then I'll show you the rite. It's a very basic rite. We use the Guatemalan dolls, okay? They call them the Warriors dolls. So those Warriors dolls are made in Guatemala. And this is basically I was initiated. I'm a master of that rite as well. It's called Macumba, the Brazilian Macumba. The Brazilian Macumba is similar to the Buiti, but with the exceptions, it's a special chamber specialized in the usage of dolls. And those dolls, you can use different types and different missions of those dolls. And those dolls can accomplish a lot of missions for you. You can send them to, you break a leg of a doll, and that means somebody will be having a broken leg. But you have to emphasize, if it's a female, you have to use a female doll. If it's a male, you have to use a male doll. So that's what it is. So you live in France and dreaming on a virtual meet with you. Okay, well, it's not a big deal. You can still try it. Yes, we can talk and there's no mail. I mean, last time I was in France, I wish we could meet, but my next trip will be in February. We're working on the next. It's a new schedule of 2021. So I might be meeting you over. Otherwise, you can still contact me through media, so I have different connections. You can be a friend of mine on Facebook, where I go with the name of Muere Onubie. Besides that, you also have my connection, my telephone number, or you can contact me as well on the Baobab, the forum. We have three forums, actually, so you can reach me easily. All right. Thank you so much, and God bless you guys. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Que Tétan Mwanga vous bénisse. et nous allons nous retrouver probablement demain avec un autre enseignement. Now, it's okay. If you're not on Facebook, you can still reach me here in our forums. You know, right away at the end of this teaching, there is a link. That link would bring you straight to the Telegram. We have a Telegram forum. And from that Telegram forum, you'll see my name in there. Okay? Ouais. Bien. Merci encore. Bonjour. Merci. Merci. Vous êtes où? En Chine? Hey. Est-ce que je peux avoir votre contact? Ok. Oh, Aboubakar, c'est vrai ça? Tu es en Chine? J'espère que tu vas bien. L'histoire de Corona, là, il faut faire attention. Lave beaucoup les mains. C'est ce que nous on fait ici, là, maintenant. Je travaille à l'hôpital ici. Là, il faut laver les mains toutes les secondes. Il faut garder une distance d'à peu près 1,50 m de l'autre. Il faut respecter ces règles. Porte toujours le masque. Toi-même, tu peux fabriquer ton masque avec les papiers, machin, là. Oh, je m'oublie. Donc, bref, c'est bon. Oui, oui, oui. Si tu n'es pas sur machin WhatsApp, mais contacte-moi sur Telegram. Hein? Aboubakar, tu peux rentrer dans Telegram. À la fin de la vidéo, tu cliques à la droite de ton téléphone et tu trouveras le lien de Telegram là. Alors tu vas t'abonner. Tu t'abonnes sur Telegram et je suis sur Telegram. Tu peux m'appeler. À partir de Telegram, je vais te donner mon contact WhatsApp. Ok. Que Tata Mwanga vous bénisse. Merci encore de m'avoir suivi. Merci. Et pardonnez les perturbations. Hein. Pardonnez-moi. Pardonnez. Ce sont les maîtres. Quand eux, ils se fâchent là, c'est grave. Vous pouvez forcer rien. Merci encore. Merci.